Industry Ready Production. Double N, c'est pas chanté. Sur du et du rap, si je travaille, je vous nique tous. Sur le côté de la trappe, si je déraille, c'est la loose. Je sens mon flow, je sors du lot. Tu sors ta trousse. J'ai pas fait l'école du rap, sur du et je suis sur vous tous. J'fais l'école des beaux-arts, surdoué comme Mozart. Artiste au hasard, c'est le côté double R qui part. J'fais l'école des beaux-arts, surdoué comme Mozart. Artiste au hasard, c'est le côté double R qui part. Exprime-toi, j'vais te niquer, te dire que la vérité peut niquer des gens. Assieds-toi, j'vais t'expliquer que la vérité ne sort pas de la bouche des gens. Je ramasse les couilles et me casse pas les couilles. Tu n'es pas mon zincou, mets le doigt dans son trou et je broie le mégot et je bois le coca. J'ai le torse sans le haut et des filles sans le bas. Illuminati, j'élimine ta team à la Ben Ali, j'ai la mine. Active, jolie mélanine, truffée de mélanine. Je l'amène au lit pour une pénurie. Ça va faire des booms et des petits cris. Le bruit de mes couilles sur tes tests humides. T'aimeras les coups à la Rihanna. À prise d'or donc ne me réveille pas. Je suis à cheval sur mon image. Je fais de l'équitation. Mon visage a l'air sage. Ça n'est qu'une impression. Tellement différent, ils ne me comprennent pas. Tellement intelligent depuis la Nelterna. Tu te vides sur n'importe qui. J'appelle ça un gros porc. Le client est roi. Y'a que les putes. Ils sont d'accord, dealer. Je vais voir mon dealer, mais chut, laisse-moi fumer. On répond, les imbéciles parlent le silence. Les muets sont surdoués. Surdoués du rap, si je travaille, je vous nique tous. Sur le côté de la trappe, si je déraille, c'est la loose. Je sors mon flow, je sors du lot. Tu sors ta trousse. J'ai pas fait l'école du rap, surdoué, je suis sur vous tous. Je fais l'école des beaux-arts, surdoué comme Mozart. Artiste au hasard, c'est le côté double R qui part. Je fais l'école des beaux-arts. Surdoué comme Mozart. Artiste au hasard, c'est le côté double R qui part. Je suis ce que je suis, fuck les gens qui disaient le contraire. Soit disant que double R n'est pas un rappeur car il est loin d'être un gangster. Je me demande commentaire quand les gens mettent des commentaires sur mes vidéos, mais comme t'es influençable, tu jacques sans avoir écouté. Sans avoir écouté, ils sont dessus dégoûtés car ils sont sur le côté. Parce que je suis un peu coûté et que personne peut topper. Un peu rat toujours ok, des paroles toujours opées. Des putains de mots droppés à la vitesse d'un coupier. Je viens les découpiller sur un peu bien assuré et le retour assuré. Les flots paroles tout y est. Y'a de quoi faire sautiller, y'a de quoi déshabiller, jolie femme en matière, oh. Dans le métro de la vie, je suis sexe un adolescent. Métro terminus, terminus, tout le monde te descend. J'ai le flow de la terre, faut que je me taille ailleurs. Pas de parole en l'air, moi c'est double air, flow hélicoptère, ouais comme Mac tailleur. Je n'ai pas le temps de dire à ta l'heure. Je la prends vrai que le ton vêtement lève le. J'ai fermé les deux yeux et je pense à ta reçu. Oh oui, que nini, Nabila ferme ta touche. Tu fermeras plein de bouche que nini. Je suis habité par le TNM, mais ouvrir ma gueule t'éclaircit. Lido pense permis. Surdoué du rap, si je travaille, je vous nique tous. Sur le côté de la trappe, si je déraille, c'est la loose. Je sors mon flow, je sors du lot. Tu sors ta trousse. J'ai pas fait l'école du rap, surdoué, je suis sur vous tous. J'fais l'école des beaux-arts, surdoué comme Mozart. Artiste au hasard, c'est le côté double R qui part. J'fais l'école des beaux-arts, surdoué comme Mozart. Artiste au hasard, c'est le côté double R qui part. J'suis un auteur, compositeur, un con qui poétiseur. Je sais que j'exagère, mais ça génère. La mouille des meufs de 7 ans, 7 ans. Jusqu'au sexe ça génère. La vie est une chaîne, plus t'as boire, plus on marque ton silence. Tu travailles depuis ta naissance. Ce talent n'y est pour rien, c'est pas un hasard. T'as juste fait preuve de travail et persévérance. Mozart.